Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 340 ans, la Franche-Comté était rattachée à la France. À cette occasion, plusieurs auditeurs nous ont demandé une émission sur le sujet. Franck Ferrand les a entendus. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai d'autant plus été sensible à la demande des Franc-Comtois que vous connaissez ma tendresse pour le Jura. J'en parlais encore ce matin, figurez-vous. Ce n'est sûrement pas la plus jolie page de l'histoire de France que nous allons parcourir aujourd'hui, mais ça fait partie de l'histoire du territoire. Et pour évoquer cette annexion musclée, plus largement pour évoquer toute l'histoire de cette belle province, j'ai convié à ce micro Jean-François Solnon. Il avait fait paraître chez Fayard un ouvrage passionnant « Quand la Franche-Comté était espagnole », parce que c'est ça évidemment qui la rend sans doute le plus exotique à nos yeux. Et puis à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Jean-Marc qui nous est arrivée via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Oui, Jean-Marc voudrait connaître les origines du tapis rouge, figurez-vous. Nous voilà bien encore une fois, ce tapis rouge que nous déroulons chaque jour sous les pas des grands personnages de l'histoire. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Besançon, ville impériale. Et puis vous connaissez aussi dans le célèbre vers de Victor Hugo, alors en Besançon, vieille ville espagnole, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Besançon impériale? Pourquoi Besançon espagnole? Mais on y vient. Figurez-vous que cette région de Franche-Comté, après avoir connu l'occupation romaine, ça évidemment, puis Burgonde, si tant est qu'on puisse parler là d'occupation, la domination mérovingienne puis carolingienne, cette Franche-Comté fait partie de la Bourgogne, elle est rattachée à l'Empire germanique au XIe siècle, et donc en 1043, Besançon devient ville impériale. La Bourgogne à l'époque est un comté gouverné par des comtes palatins. En mars 1295, il y a une convention avec le roi de France, c'est la convention de Vincennes. Le comté est vendu à Philippe le Bel, qui, il faut le dire, lorgnait dessus depuis un moment, et il passe sous influence française, même s'il relève toujours de la suzeraineté germanique. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Jean-François Solnon, parce que c'est une subtilité qui a son importance, évidemment. Alors ensuite, ça va être aux Valois de mettre la main sur la Franche-Comté. En 1369, Marguerite de Flandre, qui est l'héritière des comtés de Flandre, de Rethel, d'Artois, etc., de Bourgogne, bien sûr, épouse Philippe le Hardi. Philippe le Hardi, c'est le frère du roi de France, Charles V. Et c'est elle qui, à la mort de son père Louis de Mal, va réaliser l'union des deux Bourgognes qui permet, à partir de là, aux quatre ducs valois d'édifier, une espèce d'État, si vous voulez, une sorte d'État dans l'État, d'État en tout cas, au cœur de l'Europe occidentale. Cette nouvelle Lotharingie indépendante est même menaçante pour ces deux puissants voisins, le Royaume de France à l'ouest et le Saint-Empire à l'est. C'est à partir de ce moment-là que les Comtois vont embrasser ce destin, cet idéal bourguignon qui va devenir une des composantes de leur nationalisme, si tant est qu'on puisse ainsi s'exprimer. Là aussi, je poserai tout à l'heure la question à mon invité. Alors, en 1477, si vous avez bien étudié vos leçons à l'école, Anissa, vous savez que 1477, c'est la mort de Charles le Téméraire. Ah ben, je m'en souviens. Le roi Louis XI, on n'apprend plus ça du tout maintenant, non, c'était encore bon longtemps ça. Mais le roi de France, Louis XI, s'empresse de récupérer la Bourgogne. Il convoite bien sûr la Franche-Comté. 1482, traité d'Arras, il va fiancer son fils c'est le futur Charles VIII, à la petite Marguerite, qui est la fille de Maximilien d'Autriche et donc de Marie de Bourgogne. Et quelle est la dot de ce mariage? Quelle est d'ailleurs l'ambition évidemment du roi dans cette union? C'est la Franche-Comté, vous l'aurez compris. Seulement, le souverain va mourir l'année suivante. C'est sa fille aînée Anne de Beaujeu, vous savez, la sœur aînée de Charles VIII, qui prend la régence. À l'époque, Charles VIII aurait été majeur, vous me direz, mais enfin, il n'avait que 13 ans. Et fin 1491, Anne de Beaujeu rompt le fameux traité d'Arras. Elle fait épouser à son frère la fameuse duchesse de Bretagne, Anne de Bretagne, donc on change complètement de perspective d'une certaine manière. Ce sera plus tard, enfin c'est le premier pas, on va dire, de l'annexion de la Bretagne à la France. Mais Maximilien et sa fille n'en restent pas là, vous imaginez, ils ont été laissés là comme ça en plan, ils sont humiliés, disons-le, et le futur empereur du Saint-Empire entend reconquérir la Franche-Comté. Pour tout vous dire, il n'aura pas vraiment de difficulté à le faire. Pas très longtemps après, en 1493, il y a beaucoup de dates, mais c'est pour vous montrer que tout ça va à une certaine vitesse. Par le traité de Senlis, Charles VIII, qui lui ne rêve que d'Italie à l'époque, hein, c'est le roi des guerres d'Italie bien entendu, Charles VIII préfère abandonner la Franche-Comté à la maison d'Autriche. Et à partir de là, il va falloir près de 2 siècles pour que cette Franche-Comté soit de nouveau réunie. À la France. Alors, en ce qui concerne les Habsbourg, on pourrait entrer dans bien des détails et je ne me ferai pas faute de le faire dans un instant avec Jean-François Solnon, bien entendu, dont c'est la spécialité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le souverain qui aura le plus marqué la région, bien entendu, c'est le petit-fils de Maximilien, c'est le célèbre Charles Quint. Avec son avènement, la province entre sans doute dans ce qu'on doit pouvoir appeler son âge d'or. Dites-vous qu'il va aller loin dans l'indépendance de la comté Charles Quint, puisqu'il va aller jusqu'à donner à Besançon le privilège de battre monnaie, par exemple. Et c'est à la fin de son règne. Alors vous savez que Charles Quint, très sage, va se retirer hein, dans le monastère de Saint-Just. Il abdique ses territoires impériaux en faveur de son frère et l'Espagne en faveur de son fils. En 1556, donc, Charles Quint ne manque pas l'occasion de saluer l'attachement et la bonne fidélité des Comtois envers l'Espagne. Ça va compter pour la suite, parce que au moment où Henri IV va déclarer la guerre à l'Espagne, on est 40 ans plus tard, il se prépare à envahir la Franche-Comté. À ce moment-là, l'Espagne décide d'aller porter secours à sa province, si je puis dire. Il va falloir attendre le traité de Vervins en 1598 pour mettre fin au conflit entre la France et l'Espagne. Neutralité. Après la guerre contre l'Espagne, c'est dans une autre guerre que la Franche-Comté va être embarquée. Et alors là, cette fois, c'est la grande guerre de cette fin du XVIe et surtout du début du XVIIe siècle. C'est la guerre dite de 30 ans. Et l'épisode, le chapitre franc-comtois de cette guerre, on l'appelle la guerre de 10 ans. Un énorme conflit, évidemment. En 1636, le cardinal de Richelieu a décidé d'attaquer Dole, la capitale de la Franche-Comté, le siège de son parlement. Et dans un vieil article que nous avons retrouvé qui me paraît bien résumer la chose, Jean Capel nous raconte « La présence à Besançon en 1631 de Gaston d'Orléans, le frère du roi, dit-il. Celle en 1633 de Charles IV de Lorraine, deux ennemis déclarés de la couronne, avait de quoi déchaîner la colère de Louis XIII et de son ministre, donc de Richelieu. Et quand le roi déclara la guerre à l'Espagne le 27 mai 1635, il apparut clairement que le comté ne serait pas épargné. De 1635 à 1644, la fameuse donc guerre de 10 ans va ravager le pays. Passant la Saône avec 22 000 hommes, Condé ne put venir à bout de la résistance de Dole et ses troupes durent faire face à une guérilla impitoyable conduite par le célèbre Lacuzon, chef des partisans, habile à créer l'insécurité sur les arrières de l'envahisseur. Le comté fut ensuite envahi par Bernard de Saxe-Weimar, dont les bandes huguenotes transformèrent le conflit en guerre de religion, puis par Longueville. Plus que les opérations militaires désordonnées, les pillages, incendies, famines engendrèrent une dépopulation dramatique et il fallut attendre 1644, nous dit-il, pour que Mazarin consentît à accepter une trêve indispensable au relèvement du pays dont la population était passée de 400 000 à 130 000 habitants. Vous imaginez la saignée incroyable quand je vous disais que c'était des pages un peu douloureuses que nous allions aujourd'hui feuilleter. De 400 000 à 130 000 habitants. C'est le traité des Pyrénées, évidemment, en 1659, qui va mettre un terme à tout ça. Et à ce moment-là, la Franche-Comté, enfin le comté, revient à l'Espagne. Voici ce que nous dit Jean-François Solnon dans son ouvrage « Quand la Franche-Comté était espagnole ». Disputée pendant 8 années, la Franche-Comté reste à l'Espagne, mais ses souffrances l'ont cruellement éprouvée. Oui, quand on perd les 3/4 de sa population, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand ils en rappellent l'ampleur et l'atrocité, les chroniqueurs redoutent même l'incrédulité de leurs lecteurs. La postérité ne croira jamais. Certes, Les plaintes des communautés ne sont pas toutes innocentes. Les doléances du Parlement au gouvernement des Pays-Bas, pas toujours désintéressées. Mais les mémorialistes français du temps de Louis XIII confirment eux-mêmes le triste bilan. Jamais rien n'a été si ruiné, tous les villages étant brûlés, les habitants morts et la campagne tellement déshabitée qu'elle ressemblait plutôt à un désert qu'à un pays qui eût jamais été peuplé. Car il arrive, vous le voyez déjà monter sur la scène, Louis XIV. Après la signature du traité des Pyrénées, il va continuer à revendiquer une partie de la Flandre et toute la Franche-Comté et il envahit à nouveau la région en 1668. Salins, Besançon, Dole, Grès se rendent sans résister aux troupes françaises qui, en 3 semaines, prennent le contrôle de l'ensemble du pays. Alors, c'est d'autant plus étonnant de voir qu'au moment de la paix d'Aix-la-Chapelle, traité d'Aix-la-Chapelle, donc au printemps 1668, la France va rendre la province à l'Espagne et Louis XIV va se contenter pour le moment d'un certain nombre de villes flamandes. Vous savez, ce sont ces villes qu'il va vite faire fortifier, hein, Lille, Douai, etc. Seulement, progressivement, les Comtois, qui étaient encore une fois très attachés à l'Espagne depuis Charles Quint, rappelez-vous, les Comtois vont tout de même se tourner vers la France. Pourquoi ? Eh bien, l'attitude du gouvernement de Madrid, à leur égard, ne leur plaît pas. Quand je dis qu'elle ne leur plaît pas, elle ne leur plaît même pas du tout. Après le traité d'Aix-la-Chapelle, l'Espagne a réduit les espèces de privilèges locaux dont bénéficiaient les Comtois. En fait, les gouverneurs espagnols sont de plus en plus impopulaires même. Ils sont sans doute assez incapables aussi, il faut bien le dire. Ils se succèdent à la tête du pays sans obtenir aucun résultat. Alors que le peuple des campagnes demeure vivement attaché au souverain de Madrid, nous dit la chronique, par haine des Français et par fidélité catholique, les élites commencent, elles, à se tourner vers la France. Évidemment, Louis XIV, lui, est occupé à ce moment-là. Il est retenu à partir de 1672, il est retenu par la guerre qu'il mène là-haut, en Hollande, hein, contre les Provinces Unies, comme on les appelait à l'époque. Il doit faire face à une véritable coalition. En août 1673, l'Espagne vient se joindre aux adversaires de la France, dont les forces vont évacuer la Hollande, pour se tourner vers les frontières du royaume. Alors là, c'est la fameuse poussée, hein, contre la Flandre, l'Alsace et la Franche-Comté, bien sûr, qui va devenir un des principaux théâtres d'opérations. Et l'année suivante, voilà l'ancien comté de Bourgogne occupé, et le rapport de force paraît, à ce moment-là, disons-le, écrasant en faveur du roi de France. Louvois n'a pas hésité à engager ce qu'il y a de mieux dans l'armée française, et il y a sans doute des arrière-pensées chez Louvois, ça aussi nous allons y venir évidemment avec Jean-François Soldon dans cette affaire. Capel nous dit « Placées successivement sous le commandement du duc de Navailles, puis sous celui du souverain lui-même, les forces françaises sont constituées de troupes régulières, convenablement équipées et encadrées, bénéficiant d'un minimum de soutien logistique, comme nous dirions aujourd'hui, organisé par le secrétaire d'État à la guerre en personne, soucieux d'éviter les désordres qu'engendre pour l'armée la vie sur le pays. » Progressivement rassemblée à partir de la déclaration de guerre du mois d'octobre 73, l'armée va envahir le Franco Contado, n'est-ce pas ? On va bientôt compter 25 000 soldats sur place. Et le but, évidemment, c'est de créer une sorte de force de choc, d'écraser littéralement les Comtois, qui eux sont loin d'aligner évidemment des forces aussi importantes. En tout, ils sont 10 à 15 000 hommes, hein, face à ces 25 000 soldats surentraînés. Des hommes qui sont souvent issus évidemment d'unités allemandes, wallonnes, italiennes, suisses. En plus de ses forces régulières, par ailleurs, la France est capable de compter sur un certain nombre de partisans qui vont gagner le maquis pour y mener des actions de guérilla contre ce qui dès lors est considéré comme une sorte d'occupant. Et ces partisans, on les appellera les croquants, les loups des bois, etc. En tout cas, ce sont leurs adversaires qui vont ainsi les nommer. Ces partisans vont créer énormément de difficultés aux Espagnols, bien entendu. Alors, il va y avoir là des combats qui sont d'une dureté, d'une violence assez extraordinaire. Les troupes comtoises sont inférieures en effectif, vous l'avez compris. Elles sont mal commandées. Elles sont relativement mal renseignées sur les mouvements de leurs ennemis, bien entendu. Et pourtant, elles vont tenir pendant 7 mois et demi face à ces forces tellement supérieures et brillamment conduites. La chose pourrait surprendre, nous dit Capelle, si l'on oubliait de mentionner la magnifique combativité dont firent preuve les défenseurs de Besançon et de Salins, ou les croquants qui tinrent la montagne et les bois dans des conditions extrêmement difficiles durant de longues semaines, et dont certains, sur le point d'être pendus, demandaient encore la faveur de boire un verre à la santé du roi d'Espagne. Ça ne manquait pas de panache, évidemment. C'était de la bravade, mais forcément, ça a marqué les esprits et ça fait partie désormais de la mythologie régionale. Dans un instant sur Europe 1, la suite de l'histoire de l'annexion de la Franche-Comté. Vous pouvez réagir à l'émission en envoyant vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH, sur le compte Twitter de Franck Ferrand également, sans oublier le site internet europe1.fr. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de l'annexion de la Franche-Comté. Alors, vous avez bien compris que les chefs militaires français sont très méthodiques, ils agissent avec efficacité. Il faut vous dire que au moment de l'occupation de 1668, on en avait profité en France pour démanteler une partie des fortifications. Ils ont beaucoup d'agents de renseignement sur le terrain. Louvois, c'est fascinant de voir dans la correspondance de Louvois à quel point à Versailles, le ministre est parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Hein, c'est assez extraordinaire. Et puis alors, vous avez son collègue des affaires étrangères, Pomponne, à côté de ça, qui lui s'assure de la neutralité des cantons suisses. C'est très bien mené. Mais si c'est très bien mené, c'est parce qu'il y a sur place un homme, qui c'est toujours le cas dans ces campagnes militaires, un homme qui est au-dessus des autres et qui est brillant. C'est un protestant, figurez-vous, du Béarn, qui avait été le page de Richelieu et que Richelieu a converti lui-même au catholicisme. On dit que les nouveaux convertis sont souvent les plus acharnés, mais là c'est tout à fait le cas. Il a gravi ce Navail très rapidement les échelons de la hiérarchie militaire à la faveur de cette fameuse guerre de 30 ans. Et en mai 1673, c'est à lui que Louis XIV a donc confié la défense des provinces menacées de l'Est. Alors, l'idée de Navail, son objectif, c'est d'abord de prendre Grès, parce qu'il y a là un pont sur la Saône qui peut ouvrir la porte du pays. Et alors, il va établir toute une base de départ dans le nord du comté avant d'attaquer successivement Besançon, Dole, Salins. Il faut imaginer ce que sont les conditions pendant l'hiver. Hein. C'est un hiver très rigoureux. Il y a des pluies absolument torrentielles qui vont retarder la concentration des troupes françaises. Ça n'empêche pas Navail d'entreprendre dès la fin du mois de novembre de réaliser plusieurs diversions qui visent à affaiblir la défense de Grès, dont la prise à ses yeux constitue en quelque sorte le point de départ de la réalisation de son plan. L'offensive est déclenchée le 12 février 1674 à partir d'Auxonne et il suffira de quelques jours aux troupes françaises pour isoler Grès, qui est assiégé du 23 au 28 février dans des conditions très difficiles, du fait toujours de cette pluie, des coulées de boue, etc. La ville va résister aux assauts des Français, mais elle finit par capituler, et autour d'elle, d'autres villes vont tomber également aux mains des troupes de Louis XIV, qui décide de prendre lui-même le commandement de l'armée et de marcher sur Besançon et Dole. Alors on sait ce qu'un certain nombre d'historiens ont pensé hein, de cette affaire, à commencer par Michelet, bien entendu, qui reproche à Louis XIV d'arriver quand ça devient facile, en quelque sorte. Mais ça faisait aussi peut-être partie de la politique royale. On y viendra tout à l'heure, bien entendu. Le roi, en tout cas, a les moyens de conclure triomphalement cette campagne qui a été de bout en bout menée de main de maître par Navail. La progression vers Besançon n'en est pas moins retardée, toujours par le mauvais temps, mais aussi par les fameux croquants qui maintenant se retournent contre ce nouvel occupant, et la ville sera finalement investie par les troupes de Louis XIV seulement en avril 1674. Elle résiste encore. Hein. Les Byzantins n'accepteront de se rendre officiellement que le 15 mai 1674. Ça, c'est la chute de Besançon. À partir de là, évidemment, c'est partie gagnée pour le roi de France. La Franche-Comté est de fait acquise à l'été 1674, mais elle ne le sera au regard du droit qu'après la signature de la paix de Nimègue. Il faut toujours entériner les choses, hein, et cette paix de Nimègue, c'est seulement en 1678. Alors, durant toute la campagne, l'hostilité des Franc-Comtois, et notamment des paysans, a été manifeste. Ça, c'est un aspect que je voudrais souligner, sur lequel il va falloir que nous revenions, bien entendu. Et après la victoire de la France, on va dire à l'été 74, toutes les places ayant capitulé n'en sont pas moins des lieux d'opposition à la couronne de France. Les croquants vont commencer à rentrer chez eux et il va falloir pacifier le pays. Alors, cette pacification, on en a beaucoup parlé. L'hostilité à la France n'en demeure pas moins certaine, nous dit Jean Capel, pour la majeure partie de la population, mais la paix revenue attachera définitivement le comté au royaume et un siècle plus tard, le loyalisme de la province est à ce point assuré que Louis XVI n'hésitera pas à confier à deux Comtois, le comte de Saint-Germain et le prince de Montbarret, le secrétariat d'État à la guerre. Ça y est, voilà encore une province. On pourrait les aligner comme ça parce que ce sont évidemment à chaque fois d'assez étonnantes aventures qu'on peut raconter. Voilà une nouvelle province définitivement arrimée à la France. Ce qui est assez amusant, c'est de voir un peu plus de 2 siècles après la décision de Louis XVI de faire confiance à Saint-Germain pour réorganiser ses armées, c'est de voir que la Franche-Comté est de nouveau, si j'ose dire, sur le tapis à propos du grand débat sur les régions. Il est question, vous savez, actuellement, de la rattacher à la Bourgogne, de faire une espèce d'immense région Bourgogne et Franche-Comté. Je ne sais pas ce qu'en pense mon invité, mais ça ne va pas être très compliqué de le savoir. Bonjour Jean-François Solnon. Alors Bonjour. Avec vous, nous allons revenir sur toute la période espagnole de la Franche-Comté, mais d'une façon plus générale, c'est l'histoire même de cette région, de cette province, disons-le, de ce pays que nous allons raconter. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et au cœur de l'histoire aujourd'hui, l'histoire de l'annexion de la Franche-Comté avec votre invité Franck Ferrand, Jean-François Solnon, historien, auteur notamment de « Quand la Franche-Comté était espagnole » chez Fayard en 89. Et oui, c'est ça notamment qui va nous intéresser, cette Franche-Comté espagnole, Jean-François Solnon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de rattacher la Franche-Comté à la Bourgogne ? En gros, on reconstitue l'ancien Grand-Duché d'Occident, en fait, c'est ça ? Oui, c'est le moment de l'union entre le Duché de Bourgogne et le Comté de Bourgogne, comme il existait à la fin du Moyen-Âge, autant de ces personnages invraisemblables, incroyables, prestigieux dans tout l'Occident de l'époque, oui. Alors, ce grand-duché, il était coincé, c'est ce qui fait sa particularité et géographique et politique, entre deux énormes puissances qui étaient le royaume de France à l'ouest et à l'est le Saint-Empire romain germanique, en fait. Alors, la Franche-Comté appartenait, au moins théoriquement, au Saint-Empire romain germanique, une appartenance théorique dans la mesure où une relative autonomie lui était accordée, alors que le duché de Bourgogne n'a jamais fait partie du Saint-Empire. Alors, le paradoxe, c'est qu'on appelle Bourguignon à l'époque, eh oui. On les appelle Bourguignon, ce sont les Comtois en réalité, c'est-à-dire le comté de Bourgogne. Et votre panorama l'a montré tout à l'heure, c'est une terre qui est une terre dite d'entre deux, c'est-à-dire coincée en effet à l'ouest entre le royaume de France et à l'est l'Empire. Et cette originalité, elle a perduré même dans le langage quotidien. Dans un de ses romans, Bernard Clavel avait rapporté que les bateliers de la Saône et du Rhône ensuite avaient l'habitude d'appeler la rive gauche l'Empire. Et la rive droite, le Rio. Et on a trouvé immédiatement l'origine de ces deux expressions. Le roi d'un côté, l'empereur de l'autre. Exactement. Hein. Et la Franche-Comté a donc eu un destin qui a oscillé au cours des siècles entre ces deux entités politiques qui sont si différentes puisque l'Empire est une structure politique assez lâche, tandis que le royaume de France, depuis Philippe le Bel par exemple, ne cesse de se renforcer. Pourquoi dit-on le... Alors d'abord, faut-il dire le comté ou la comté pour commencer ? Alors quand on dit le comté, il s'agit de dire le comté de Bourgogne. Oui, c'est ça, de façon générique. Et lorsqu'on dit la comté, c'est sous-entendu la Franche-Comté. Et cette expression de Franche-Comté... Et pourquoi Franche, oui, voilà. Elle apparaît dans les textes à la fin du XIVe siècle. Et Franche, pour une raison très simple, mon cher Franck, c'est que la province dispose de liberté de privilèges. Voilà. Et à l'époque, les privilèges n'avaient pas la connotation péjorative qu'on leur donne aujourd'hui. Et le mot liberté. Au contraire, ils étaient très recherchés. Le mot liberté était un mot qui n'était pas prononcé au singulier, mais au pluriel. C'est pas viva la libertà, hein, Don Giovanni. Ce sont les libertés, c'est-à-dire les franchises, les privilèges, ce qui fait l'originalité d'un pays. Des considérations dont il faut bien dire qu'elles sont très largement fiscales, en l'occurrence. Particulièrement fiscales, pas seulement, puisque les Comtois souhaitent que les institutions du pays soient peuplées par des Comtois et non pas par des Espagnols ou des Flamands, ce qu'ils détestent profondément. Donc il y a toutes sortes de libertés, alors, sur lesquelles les Comtois insistent beaucoup, parce que c'est un prétexte évidemment pour résister à un pouvoir autoritaire. Et au XVIe siècle, le cardinal de Granvel, qui était un des conseillers particuliers de Philippe II, un peu excédé par ses revendications des Comtois, disait « mais enfin, qu'on nous les montre ces privilèges, qu'on ait un texte qui nous les énumère », ce qui n'était jamais le cas. Oui, parce que c'était coutumier. En fait. Bien sûr. Ah, c'est ça, oui. Bien sûr. Alors, on a compris la Franche-Comté. Il faut peut-être qu'on la visualise maintenant. C'est-à-dire, quel est le rapport avec l'actuelle région, région programme de Franche-Comté? Les deux cartes se superposent. Ah oui, bon. À quelques exceptions près. C'est-à-dire que la Franche-Comté, c'est trois départements, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, auxquels on a ajouté le comté de Montbéliard, qui est devenu français pendant la Révolution française en 1793, et ensuite une particularité qui s'appelle le territoire, ça s'appelle pas un département. Alors là, voilà. Le territoire de Belfort. Je me tourne vers Anissa parce que... J'y ai été adoptée au territoire, dans le territoire de Belfort pendant 6 ans, ah oui, très belle région. Une belle fortesse d'adoption dans ce studio. Exactement. Alors, la capitale c'est Dole. La capitale au temps des Habsbourg, c'est Dole, et c'est d'ailleurs tout le problème de la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, c'est que Louis XIV immédiatement va régler en un tournemain un problème qui était pendant depuis au moins 2 décennies, c'est de faire de cette ville Besançon, ancienne ville impériale comme l'avait été Strasbourg, voilà, ou Mulhouse, de faire de Besançon la capitale de la Franche-Comté, une ville qui est d'ailleurs presque au centre géographique. C'est-à-dire que Besançon, en fait, était un peu extérieur d'une certaine Alors, manière Besançon pendant longtemps. Avait c'est complexe, cette particularité, ça. Parce que c'est amusant, ce ne sont que des contradictions Mais et des paradoxes, cette histoire. C'est ça qui en fait l'intérêt, d'ailleurs. C'est que Besançon était une ville qui n'était pas finalement comtoise au temps des Habsbourg. Elle était cité impériale avec des privilèges particuliers. Vous avez rappelé tout à l'heure le droit de battre monnaie. Et les contemporains en avaient bien conscience. Un chroniqueur de l'époque dit « c'est comme une sorte de paille dans l'œil de la comté ». Alors, est-ce que Besançon pouvait devenir la capitale? Louis XIV l'a pensé et lui a donné toute une série d'institutions. Ça a été le lieu où se tenait le gouverneur, le parlement de Franche-Comté qui, naguère à Dole, est devenu byzantin, comme on dit, les habitants de Besançon. Et puis l'université également, qui était dôloise, qui est devenue byzantine. Bref, la ville... Il va lui donner aussi, évidemment, ces extraordinaires fortifications, chef-d'œuvre de Vauban. Hein. Certes, d'abord les Espagnols avaient construit une citadelle sur le mont Saint-Étienne, qui domine la ville, et Vauban, bien entendu, a parachevé cette œuvre. Quelles sont les richesses du terroir, de la population? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette Franche-Comté? Et pourquoi est-elle à ce point l'objet de toutes les convoitises depuis le Moyen-Âge? Alors c'est une région qui est convoitée non seulement par les Français à l'ouest, mais par une autre puissance militaire qu'on oublie un peu à l'est et qui sont les cantons suisses. Et les cantons suisses ont besoin, pour leur propre économie, l'économie d'élevage, ont besoin de sel. Et c'est une des premières richesses de la Franche-Comté, c'est-à-dire le sel. Le sel des sauneries de Salins, par exemple, avant qu'il y ait tout ce développement de cette industrie du sel, avec la construction, évidemment, des salines d'Arquesnan, mais c'est beaucoup plus tardif, et qui est un des fleurons du patrimoine comtois. Donc c'est le sel, en premier lieu, c'est la forêt. Également. Et d'ailleurs, le Colbert, ministre de la Marine, en quelque sorte, ne s'y est pas trompé, puisqu'on a organisé une exploitation des bois de marine, qui ensuite descendaient la Saône et le Rhône pour aller participé à la construction de ces beaux et grands navires royaux en Méditerranée. Donc le sel, le bois, je ne veux quand même pas manquer de citer le vin, mais même si on sait que notamment le Erasme buvait du vin d'Arbois et s'en trouvait bien, comme Erasme était un homme qui n'avait pas beaucoup de santé, c'est peut-être pas l'argument pas la décisif publicité. pour non, le en tout vin. Cas, moi je peux confirmer que c'est une merveille absolue, hein, cela dit, à consommer avec modération, n'est-ce pas? Alors on a bien compris tout à l'heure, et je me suis aventuré dans des considérations dynastiques pour montrer quelle était la part des alliances, des mariages dans l'héritage espagnol des Comtois. On peut tout à fait comprendre ça. Mais comment expliquer le lien qui s'est tissé, qui s'est noué, en dehors de ces simples considérations dynastiques, qui s'est noué entre les Espagnols et les Comtois? Je dirais plutôt entre les Habsbourg. Alors voilà. Et les Comtois. Ce lien, il est très simple, mais il touche à ces événements dynastiques. C'est que, à la mort du Téméraire, lorsque Louis XI a mis la main sur le duché de Bourgogne, et il a été dans la légitimité de le faire, puisque c'était un apanage intransmissible aux femmes. Or, Charles le Téméraire n'avait qu'une fille, Marie de Bourgogne. Donc, tout naturellement, malgré quelques petits clapotis des barons bourguignons du duché, le duché de Bourgogne est devenu français. Il ne restait donc de l'héritage des grands-ducs d'Occident, donc du Téméraire qui est le dernier en date, il ne restait que le comté de Bourgogne. Et Charles Quint est le petit-fils de Maximilien d'Autriche, époux de Marie. Par conséquent, on a ici le seul témoignage pour Charles Quint de ce qui a été le patrimoine de ses ancêtres. Oui, c'est son bien familial, on va dire. À tel point que Charles Quint voulait être enterré, non pas en Franche-Comté, mais dans ce duché de Bourgogne qui continuait de convoiter. Et en particulier, il aurait souhaité être enterré à la chartreuse de Champmolle, qui est aujourd'hui au cœur de la ville de Dijon. Vous savez que ce ne sera pas le cas. Mais donc, cette idée de patrimoine de la maison des Habsbourg est une idée essentielle. Mais alors ça, et d'ailleurs en 1526, il a failli y arriver avec le traité de Madrid. Mais ça, admettons, ce sont bien des considérations, j'allais dire, royales, dynastiques, familiales. Mais les populations, elles, il y a bien quelque chose d'espagnol dans cette Franche-Comté? Très peu. Ah oui? Très peu. En dépit du titre que vous avez eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure, qui est un titre d'éditeur, comme vous l'avez deviné, très peu d'espagnols. D'abord, on n'enseigne pas l'espagnol. On n'enseigne pas la langue de Cervantes. On ne parle pas le castillan en Franche-Comté. Et il y a très peu de soldats espagnols, de garnisons espagnoles. Et quand il y en a, au moment des difficultés internationales, ce sont souvent, comme c'est le cas la plupart du temps en Europe, ce sont des mercenaires qui viennent d'ailleurs d'Italie du Nord. Donc pas de soldats, pas d'administrateurs, puisque les membres du Parlement de Franche-Comté s'auto-recrutent, et ils ne choisissent que des Franc-Comtois. Le gouverneur est un franc-comtois, et quand il n'est pas franc-comtois, son lieutenant, qui reste sur place, qui fait le travail d'ailleurs, est un franc-comtois. Donc, très peu d'Espagne dans ce domaine-là, mais une originalité, parce que finalement, cette province, qui est entre les mains des Habsbourg, de Charles Quint ou du roi d'Espagne Philippe II et de ses successeurs, est une province dont la langue est française, dont les traditions sont françaises, dont les usages sont français, dont les institutions sont françaises. On rappelait tout à l'heure la vente, le terme est un peu fort, de la Franche-Comté à Philippe IV le Bel. Eh bien, Philippe le Bel, c'est lui qui a créé les bailliages, qui sont des circonscriptions administratives et judiciaires, bailliage d'amont, le bailliage d'aval. C'est lui qui a créé le Parlement. Et ces institutions vont se modifier, vont se parfaire, tout au long de la fin du Moyen-Âge. Mais là encore, la France est présente. Et c'est ça le paradoxe. Quand on pense Habsbourg, on pense à Vienne, on pense à Prague. On pense à l'Europe centrale. Et là, on a au contraire un témoignage d'une domination dans l'Occident. Comment vivait-on, non pas dans cette Franche-Comté espagnole, mais j'ai bien compris, dans la Franche-Comté des Espagnols? C'est ce que nous voyons avec vous, Jean-François Saulnon, dans un instant. Évidemment, on reviendra tout à l'heure sur Louis XIV et sur cet instant de vérité, mais pour l'instant, on est encore sous le bon règne de Charles Quint, dont le représentant sur place s'appelle Granvelle. Ça, c'est un personnage. Il faut nous dire qui il est, en fait, Jean-François Saulnon. On a du mal à l'imaginer, en effet, de savoir que celui qui est le garde des Sceaux, on dit quelquefois le chancelier de Charles Quint, puisse être le petit-fils d'un maréchal ferrant de la vallée de la Loue. et qui a réussi à suivre une carrière brillante au sein du Parlement de Dole, a été repéré par le président du Parlement de Dole, ensuite a été repéré par Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, qui était la gouvernante d'ailleurs des Pays-Bas et de la Franche-Comté, et il a fait cette carrière éblouissante, puisque il a été le conseiller principal de Charles Quint. C'est l'homme de la diplomatie habsbourgeoise, en fait. Hein, oui, j'avais tendance à dire que Granvelle était à Charles Quint ce que Kissinger avait été au président américain, c'est-à-dire qu'il ne cesse de passer sa vie dans des réunions internationales, puisque l'empire de Charles Quint est, comme chacun sait, immense. Hein, et par conséquent, il faut que l'empereur soit représenté, et Granvelle est de cela. Sur un plan religieux, on est dans le catholicisme parfait. On est dans un catholicisme fidèle. D'autant que la Franche-Comté est cernée par les protestants. Il y a au nord-est le comté, bientôt principauté de Montbéliard, qui est un pays luthérien d'ailleurs de langue française. Mmh. Et puis il y a à l'est, au-delà des cimes du Jura, eh bien les cantons suisses, et en particulier le canton de Berne, qui est le plus proche. Genève, évidemment, ça a été la ville de Calvin. Calvin, bien sûr. Et puis quand on regarde vers l'ouest, à partir de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire à partir de l'édit de Nantes, eh bien le voisin occidental des comtois si profondément catholiques, c'est la France de l'édit de Nantes, c'est-à-dire une France qui a accepté une sorte de coexistence, avec toutes les difficultés qu'on connaît, entre catholiques et protestants. Et la Franche-Comté reste un îlot très farouchement attaché à la religion catholique, je dirais même plus à l'ultramontanisme, c'est-à-dire on regarde essentiellement au-delà des Alpes vers Rome. Mais évidemment, la très grande l'épreuve, la confrontation, l'affrontement entre la France et l'Espagne, ça va être cette guerre de 30 ans, la perte de pouvoir de l'Espagne, la montée en puissance de la France, la volonté des ministres successifs d'Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV, tout ça ne pouvait aboutir qu'à la volonté de réunir cette Franche-Comté à une couronne de France qui devait en avoir assez de la compter comme étrangère. Il est vrai que tant que la France voisine est en difficulté interne, c'est le temps par exemple des guerres de religion dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les comtois peuvent dormir tranquilles. Mais en revanche, quand la France renaît, et c'était le cas sous Henri IV, c'était d'abord ensuite le cas au temps de Richelieu et de Louis XIII, là les comtois peuvent trembler. Parce que le cardinal de Richelieu est très préoccupé par l'expansionnisme des Habsbourg. En particulier, il a l'impression que la France va être prise en tenaille par la monarchie des Habsbourg. Et sa politique, c'est d'ouvrir des portes, pour reprendre son expression, d'ouvrir des portes là où c'est possible, en direction des ennemis. Le comté de Bourgogne, Franche-Comté, est sur le chemin de cette porte. La guerre, alors j'ai expliqué que dans la guerre de 30 ans, il y a tout un chapitre, toute une partie, ce qu'on appelle la guerre de 10 ans, qui a la Franche-Comté pour enjeu. Et pour théâtre, pour une grande part. La guerre de 10 ans, d'ailleurs, cette expression de guerre de 10 ans, c'est une expression de l'époque. C'est le titre même d'un ouvrage qu'un membre des élites comtoises a rédigé. Alors comme la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans, la guerre de 10 ans a duré un petit peu moins de 10 ans, mais c'était une horreur. Puisqu'il y a eu les trois grands fléaux que connaissaient les populations de l'époque, la guerre, la famine, la peste. Et voilà. De la guerre, de la famine, de la peste, libérez-nous Seigneur, libéranos Domine. Donc cette espèce de rencontre épouvantable qui explique que au terme de cette guerre, entre la moitié et les deux tiers de la population a disparu. Il faudra attendre le début du XVIIIe siècle pour retrouver le niveau d'avant la guerre de 10 ans. La misère totale. Oui, les villages ont été désertés, les populations ont été décimées. On a même trouvé dans les archives, ce ne sont pas donc là des légendes, on a trouvé des cas de cannibalisme. Bref, l'horreur. L'horreur pendant 8 ans au moins, cette version comtoise de la guerre européenne dite de 30 ans. Est-ce que ça a créé dans l'inconscient collectif des comtois, j'imagine qu'il y a une mémoire comtoise, est-ce que ça a créé une sorte d'aigreur ou de rancœur envers la France et certes, envers... Et de peur. C'est ce qui explique probablement la difficulté qu'a eu Louis XIV à faire la deuxième conquête de la province en 1674. La première a été très facile. C'était ça le paradoxe. En 1636, au début de la guerre de 10 ans, Dole, la capitale de la province, a résisté pendant 80 jours. Elle tombe cette fois-ci en 3 jours. Donc la guerre de 10 ans a eu comme successeur une guerre qui a duré quoi ? 3 semaines. Louis XIV est venu en Franche-Comté, a assisté à quelques sièges, puis est reparti à Saint-Germain aussitôt. D'ailleurs, se pose la question de savoir pourquoi tant de facilité. En revanche, lorsque les Français reviennent en 1674, là, le souvenir de la France, de Richelieu et de Louis XIII, de la guerre de 10 ans, est dans toutes les mémoires. Et c'est pour cette raison que les Franc-Comtois se disputent leur liberté à l'égard de la France. On va venir évidemment au croquant, etc. Mais avant cela, pourquoi justement cette facilité ? Pourquoi les portes s'ouvrent-elles aussi vite ? Eh bien, je crois qu'il faut admettre l'idée d'une trahison des élites comtoises. Alors bien évidemment, cette idée de trahison n'est pas documentée. Généralement, quand on trahit, on ne l'écrit pas. C'est rare qu'on en fasse des procès-verbaux. Oui. Mais il y a l'opinion des contemporains. Et en particulier, il y a une opinion qui compte, et c'est celle de Colbert. Colbert, dans son testament politique, suggère l'idée d'une complicité des élites comtoises. Sans doute n'ont-elles pas été achetées avant cette conquête, mais il est sûr qu'elles ont été récompensées après la victoire française. Alors il y a ça, et il y a une autre raison, c'est que les Franc-Comtois étaient très peu préparés ou insuffisamment préparés à subir le choc de la France en 1668. Pour une raison qui est assez facile à comprendre, c'est que au temps des Habsbourg, et ça explique d'ailleurs l'espèce d'amour des Comtois pour les Habsbourg, au temps des Habsbourg, la Franche-Comté a vécu en paix. Et voilà. Pendant très longtemps. C'est aux Habsbourg que les Comtois doivent la paix qui est la condition du développement économique et de la croissance démographique. Et comment cette paix a-t-elle été installée ? Eh bien tout simplement parce que les Habsbourg ont négocié des traités diplomatiques, des ligues de neutralité avec d'autres provinces voisines, et la Franche-Comté a vécu, on disait à l'époque, en abstinence de guerre. Alors certes, il y a eu quelques mauvais moments à passer, le raid d'Henri IV en 1595, la noria des troupes espagnoles qui quittaient l'Italie du Nord pour aller réprimer les révoltes des Pays-Bas dans la deuxième moitié du XVIe siècle avec le duc d'Albe, et le passage des troupes, même si elles sont amies, est toujours un peu difficile. Mais il n'y a rien eu d'important. Tandis que là, à partir de la guerre de 10 ans, tout change. Et à partir de 1668, en effet, on a la nostalgie de cette paix qui a été si profitable à la province. Alors vous avez bien compris, Jean-François Saulnon, que pas mal de nos auditeurs nous ont demandé de raconter cette deuxième conquête de la Franche-Comté par la France en 1674, il y a 340 ans. Et on a l'impression que, en tout cas dans les demandes, j'ai perçu, moi, une forme de véritable rancœur, comme si on en voulait encore aux troupes de Louvois de s'être montrées très dures. Oui, d'autant que lorsque la France a fait la conquête de la Franche-Comté en 1668, au traité d'Aix-la-Chapelle qui a suivi, Louis XIV, vous l'avez rappelé tout à l'heure, rétrocède la Franche-Comté au profit de la possession de villes du nord de la France, en particulier de la ville de Lille. Mais avant de quitter la province, les troupes françaises ont démantelé les châteaux, ont vidé les arsenaux, c'est-à-dire ont fait une sorte de table rase stratégique de manière à pouvoir, le moment venu, revenir en Franche-Comté, une Franche-Comté qui serait alors dépourvue de défense. Bien évidemment, les Comtois ont été les témoins de ce démantèlement. Et leur aigreur et leur haine à l'égard des Français est considérable à l'époque. Ça explique évidemment cette espèce de sursaut, cet ultime sursaut pour résister aux troupes de Louis XIV. C'est peut-être pour ça que certains parlent d'un nationalisme comtois. Alors, c'est là qu'il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui prennent le maquis, de ceux qui sont... Alors, il y a des gens qui prennent le maquis, il y a les fameux loups de bois en effet. Il y a une catégorie sociale et qui est très hostile à la France de Louis XIV. Ça peut être, encore une fois, paradoxal et peut vous surprendre, c'est le clergé. Parce que le clergé est un clergé, par définition, catholique. Et la France de Louis XIV, c'est encore la France de l'édit de Nantes. C'est pas encore la France de la révocation de l'édit de Nantes. Évidemment. Et le côté religieux est très important Bien parce sûr. Que la province est encerclée par les protestants. Merci beaucoup Jean-François Saulnon. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous aviez fait paraître il y a maintenant une vingtaine d'années, quand la Franche-Comté était espagnole, chez Fayard. Et puis vous me disiez que votre grand livre sur la cour de France va bientôt paraître en Tempus. Ça nous fera une occasion et ce sera avec grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Merci beaucoup. Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous dévoilerez les origines du tapis rouge. Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Jean-Marc aujourd'hui, Franck. Jean-Marc a posé une question sur le www.europe1.fr. Bonjour, pourriez-vous me dire quand et où pour la première fois fut déroulé le tapis rouge ? Alors, si la question est, je vous ai bien écouté Anissa, si la question est quand pour la première fois, oui. Alors il y a vraiment très très longtemps, c'était dans la Grèce antique, c'était pour une représentation d'Agamemnon d'Eschyle. Vous savez, on est en 458 avant Jésus-Christ et dans la pièce, Agamemnon, vous savez, se présente comme un personnage très arrogant, etc. Et Clytemnestre, sa femme, qui va l'assassiner, vous savez, avec Égiste, lui dit « Mais tu devrais marcher sur un tapis rouge, etc. » Et il va faire ce qu'on peut considérer comme un sacrilège, puisqu'il va marcher sur ce tapis rouge qui, normalement, est réservé aux dieux. Donc, il y a là la première intervention connue dans l'histoire du fameux tapis rouge. Maintenant, si vous voulez, d'une manière plus pratique, savoir de quand date le tapis rouge tel que nous le connaissons, notamment Paillettes. Sur les marches du Palais des Festivals à Cannes, alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. On trouve des tapis rouges, on va dire, dans ce qu'on appelle la période, l'époque moderne. On en voit par exemple sur des tableaux qui représentent des réceptions au moment du Second Empire, la réception de la reine Victoria en 1855, la réception d'un certain nombre de souverains lors de l'exposition universelle de 1967. Ça va se généraliser sous la Troisième République pour ce qui est de la France. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de tapis rouges dans les réceptions officielles à partir, entre la guerre de 70 et celle de 1914. Ça ne se généralisera en dehors des aspects purement officiels qu'après la Première Guerre mondiale. On va dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque open bar, en quelque sorte. C'est à ça. Peu près n'importe qui peut monter sur le tapis rouge. Et je dirais que personne ne trouve à y redire. Et puisque je parlais de Cannes, etc., vous allez nous parler de cinéma, Elena. Bonjour. Tout à fait, quelle belle transition. Bonjour Franck, bonjour à tous. À l'occasion de la fête du cinéma qui se tient en fait actuellement jusqu'à demain, les experts Europe 1 vous proposent des films sur ordonnance. Quels sont les films médicaments ? Chagrin d'amour, travail, solidarité, famille. Quels sont les films qui vous font du bien ? J'attends votre filmothérapie au 3921 ou sur europe1.fr. Vous en avez un, vous, Franck ? Ah, j'en ai beaucoup, moi, oui, évidemment. Mais notamment Mort à Venise, parce que j'ai dû voir quelque chose comme 400 fois. Non. Ben on attend la 401e, j'aimerais bien l'avoir avec vous. Mais pourquoi pas, écoutez, je allez, retiens le... Let's go. Allez, faisons-nous une soirée avec un plateau un de ces jours. Allez, merci beaucoup Elena, merci à Déborah Veil qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Pour tout vous dire, le récit sur cette annexion de la Franche-Comté était signé Déborah. Et merci Anissa, nous nous retrouvons demain. À demain, Franck Ferrand.